Gad. Il faut que je voie ma mère, mais le fruit de mon amour, mon fils, avant que son image s'efface de ma mémoire, avant d'être vieux comme un truc qu'on commémore, et qu'on dise à ma femme, madame, ce soir un homme est mort. Quand je vois mes murs, je sais ce qu'ils veulent m'offrir, une mort lente et douce pour moi, oui c'est ce qu'ils veulent mon frère. Je veux pas rester ici, mais ça ils le savent, et même s'ils me suivent partout, il faut que je me sauve. C'est ma veillée d'armes, c'est du cyclique John le terrible, et comme d'autres l'ont fait avant à notre sauce, on va refaire la Bible. Hanté par les couloirs, miradors et tunnels, je fais de mon évasion une profession de foi, demande à l'éternel. Mon dos s'est cloué, délit facile grillé, profil du parfait brigadier, j'entame ma énième année. Aucune libération, que du bluff, après une descente aux enfers qui pourrait croire en l'homme neuf. Mon esprit de la tourmente, les frères avec qui j'avance, tous les quartiers défavorisés, tous ceux que l'on représente, la brigade, les esprits enchaînés, et tous ces innocents prisonniers. Si je me revois mal à la barre, je ne parle pas de finir derrière des barreaux. Freiné, je ne sais par quel décret, je te prépare n'importe quel héros. Ma force forgée au mental, au travers de la fondamentale. Si les taux se resserrent, je taperai une bête de cavalcade à toute berzingue, taper des zigzags, un de mes poursuivants zinzin. Faire jaser les gazelles, briser les nasques capables de me balancer. Même par ton grêle en galère, sans grogne, ça venait à mal tourner. J'aurais toujours le bon rôle, et espoir, je vais faire mes trolls. Tel P.I.G, ready to die, tout comme John Dye. Bon, faut que mon plan de t'es fourré, j'ai pas le droit de me laisser moisir. Non. J'ai choisi de pas rester et rapidement je dois réagir. En plus se faire serrer pour une cause qui me laisse sceptique. J'taillerai quitte à faire sans mettre de brasse dans la fosse sceptique. Prisonnier à politique, poseur de bombes psychologiques. Logique, incarcéré pour des choses trop mystiques. Mon esprit de la tourmente, les frères avec qui j'avance, les quartiers les favorisés, tout ce que l'on représente, la brigade. J'attends plus rien d'auxiliaire, du Macy. Pas pour la prophétie, du bandit. Ce qu'on veut de moi, c'est du bandit ma vie. Scandinavie, la vie en tourne pour pas le coup d'être vécu. Mon ex-tire, dans l'export condamné. Mon espoir de damner. Un jour, qui sait, me refaire une exposition cutanée. Avec le mâche crève si je tente pas. La vie me pâte comme l'antique, mais je ne lâcherai pas. Faites ce que bon vous semble. Mais bon sang, laissez-moi en sortir. Je suis soi-disant ici pour aller mieux. Mais c'est encore pire. Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer. Est-ce que je demande ma liberté me soit restituée. Je suis tout. Regarde-moi, je suis comme un pit fou. Il faut absolument que je